caramel. Ça n'est pas pour me vanter, mais finalement, j'aurais été un animateur radio comme d'autres sont des footballeurs du dimanche en amateur. Au départ, il y a 34 ans, l'idée, c'était de proposer une activité qui puisse inciter des jeunes adolescents en difficulté scolaire à écrire. Ça peut paraître paradoxal, mais oui, la radio, symbole pour beaucoup de l'expression orale, est aussi un lieu où l'écrit tient une grande place. Le micro, que voulez-vous, ça impressionne avec les questions essentielles comme qui se trouve derrière le micro, y a-t-il au moins quelqu'un qui est à l'écoute, et puis comment capter son attention. Autant de questions existentielles qui peuvent vite amener au trac, au trou de mémoire, au bafouillage. Aussi, s'appuyer sur un texte préalablement écrit est une formidable bouée de sauvetage. Savoir qu'à tout moment, on peut se raccrocher à un bout de texte, à une phrase ou à autre chose couchée sur le papier permet de se sentir plus à l'aise, de se rassurer et parfois de se lancer dans des improvisations périlleuses, parce que au moins, quand l'imagination commence à manquer, quand le débit est moins fluide, un coup d'œil sur sa feuille et hop, roulez jeunesse. Alors dans l'équipe, nous sommes quasiment tous des adeptes de l'écrit. Manuel Pomard noircit régulièrement et consciencieusement de petits carnets qu'il agrémente de dessins au crayon. C'est son côté artiste. Salah Mokran, lui aussi, couche ses argumentaires sur papier avant de s'épancher dans le micro sur l'air du temps. Mais lui, il les écrit le plus souvent sur son ordinateur. C'est son côté jeune homme moderne. Lucas Lemoff et Pierrick Rouquette ont, en leur temps, écrit pour Caramel Mou des textes au cordeau, drôles et impertinents, qui pourraient tels quels être publiés. Et même Jean-Pierre Lérac, le leader Maximo de Jazz à Luz, a toujours sa feuille de papier où il griffonne quelques notes et quelques phrases. Il n'y a guère que Boris Georgelin lorsqu'il nous parlait de BD, où notre bon professeur Thibault a avoir assez d'assurance pour se lancer dans des improvisations totales. Combien de fois, en effet, Fred Thibault a choisi le film dont il allait nous parler 10 secondes avant de prendre l'antenne. Un véritable spécialiste du saut dans le vide sans filet. Eh bien moi, ça n'est pas mon cas. Je garde encore dans un coin de mon bureau des dizaines de cahiers d'écoliers où sont consignés tous les éditos, les questions, des interviews, les présentations des disques, la reprise entre les morceaux qui ont alimenté les plus de 1000 numéros de Caramel Mou. Et ça, ça m'a toujours rassuré. Mais pour en revenir à mes adolescents de ces débuts d'édito que j'ai très longtemps accompagnés. Ah ouais, j'avais oublié de vous dire quelque chose. Je ne suis pas animateur radio, mais c'est bien éducateur spécialisé qui a été mon métier pendant des années. Eh bien, nous voulions les faire écrire, mais aussi développer leur confiance en eux. Et quoi de plus valorisant que de parler dans le poste et de se faire entendre par ses parents ou par ses copains. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, les premières réactions à notre proposition de faire de la radio furent, comment dire, mitigées. Entre les « on va pas y arriver »,« on ne sait pas comment faire »,« on a peur », et puis « ça, c'est pas pour nous », les avis étaient plutôt négatifs. Alors du coup, eh bien, on s'y est mis. Et avec l'aide de notre copain Éduc, qui allait devenir le Baron Blitz et avec qui j'ai co-présenté Caramel Mou pendant pendant 6 ans. Et puis pour ma part, je choisissais Joe Kangourou comme nom de scène. Je ne sais toujours pas pourquoi. On s'est posé les questions de savoir pourquoi on faisait de la radio, à qui on voulait s'adresser et comment on allait faire. Un conducteur rapidement esquissé, un premier invité que je connaissais, Eric Pagès, dit aussi Eric le chien fou, guitariste des Rosemary Babies ou de Little Helpers, et qui continue à se produire encore aujourd'hui sous le nom d'Eric Nemo. Pas mal de ciné-concerts en ce moment pour lui. Et puis Vogue la galère. On va voir Radio Campus sur les conseils d'une collègue, par ailleurs membre du CA à cette époque de Radio Campus, et on demande un créneau. Finalement, l'émission est enregistrée un samedi matin pour être diffusée le soir même à 20h. 3h30 d'enregistrement pour finalement une émission de 1h30 de rock, quoi. Les ados du boulot avaient comme consigne de se mettre devant leur poste radio à 20h, le débrief étant prévu pour le lundi matin. Et au miracle, convaincus par notre prestation hésitante, ils décidèrent eux aussi d'aller tâter du micro. Ce qui nous valut quelques émissions assez étonnantes, entre volonté d'aller découvrir des gens, des métiers, des groupes de musique, micro en main, et des dialogues plutôt surréalistes une fois de retour au studio. Du coup, eh bien, nous, on a demandé un deuxième créneau à Campus, car notre essai avait été une révélation. La radio était un must, un formidable tremplin pour parler de la culture qui se faisait de ce côté-ci de la Garonne. Nous étions en décembre 1989, il y a presque 34 ans. Caramel Mou venait de faire ses premiers tours de piste. Pourquoi Caramel Mou? Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, ce soir, on clôture l'histoire. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou. Vous l'avez compris, nouvel épisode réalisé par Marc Lazaro. Nouvel épisode, mais dernier épisode, le der, après 34 ans, 1004 émissions et 4 maires de Toulouse. C'est le moment de tirer le rideau. Pour le tirer avec moi ce soir, quelques chroniqueurs que vous avez écoutés régulièrement ces dernières années dans cette émission. Jean-Pierre Lérac vient de nous téléphoner qu'il était un peu indisposé, donc il nous écouterait depuis son fauteuil dans sa maison. Il reste quand même la caution morale et artistique de cette émission. On retrouvera aussi Manuel Pommard qui nous a souvent décrit ici les expos à voir en ville. Et puis on retrouvera également notre brome professeur Thibault qui doit être dans le métro en ce moment. Professeur Thibault de la Cinémathèque de Toulouse, vieux complice de plus de 25 ans qui a fait du ciné de genre et d'exploitation son terrain de jeu. Également avec nous dans ce studio, Salah Amokrane du Tactique Collectif et puis Gaël Cérez du journal en ligne Médiacité qui ne devrait pas tarder lui aussi à arriver. Ils sont aussi venus nous rejoindre dans ce studio, Joël Lecussang qui nous donnera des nouvelles de Mixar Miris et puis également dans ce studio Yann Valade de la Cave Poésie et puis au téléphone nous aurons tout à l'heure Delphine Jouve des Vidéophages, ces deux dernières structures qui vont animer notre été toulousain. On en parlera avec eux parce que qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas que le festival municipal Toulouse d'été dans la vie, quoi. Allez, pour commencer cette dernière émission, eh bien on va adresser un grand bravo. Un bravo à Bol, un sextet toulousain issu du collectif La Baraque à Frille, qui la semaine dernière a gagné à Paris le concours jazz à la Défense réservé aux jeunes formations hexagonales. Bol, que l'on a beaucoup écouté dans cette émission et qui sera au festival Jazz à Luz le 12 juillet prochain. Bol, Berlin, extrait d'un clip qu'ils ont fait paraître il y a à peu près 3 semaines. C'est Caramel Mou, la dernière des dernières, et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est ? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou Pardo ? Voilà, on est avec nos deux premiers invités, Joël Lecussang et Yann Valade. Joël Lecussang, ex-coordinateur des activités de Mixer Myris, il va nous dire où ils en sont à Mixer Myris. Et Yann Valade nous parlera également de la saison d'été de la Cave Poésie, puisque comme chaque année, la Cave Poésie va être un des rares endroits où l'on pourra écouter de la musique pendant tout l'été. Mais on va commencer avec Joël Lecussang. Je regardais en écoutant de vieilles émissions de Caramel, puisqu'on a fait une nuit du Caramel il n'y a pas très longtemps, largement alimentée par les archives de cette émission, que Mixer Myris avec La Chapelle avait été les deux sujets qui avaient été le plus traités dans cette émission. Quel engagement magnifique. Et ce qui est quand même drôle, c'est depuis La Ville Habitée. Qui était les précurseurs. Voilà, on va vite rappeler qu'est-ce qu'était La Ville Habitée, Joël Lecussang. Je ne sais pas si je suis le mieux placé, vu que moi j'étais pas là à ce moment-là, que j'étais sur Paris. C'était l'occupation, voilà. Ça a été l'occupation de l'hôtel Saint-Jean en 1995, et ça a été le premier squat, donc époque Balladur, et ça a été le premier squat à être viré un dimanche, puisqu'à l'époque l'assaut était... c'était Planète en danger. L'assaut était soutenu par Maître Etelin, qui avait assuré au collectif qu'au moins il pourrait y rester jusqu'au lundi. Et le dimanche 6h du matin, bam bam, ça tape à la porte de l'hôtel Saint-Jean. Et c'était voilà, une grande occupation qui a mêlé du culturel, qui a mêlé du politique, qui a donné naissance du logement aussi, puisque c'était aussi un squat d'habitation. Oui, alors ça c'est de gros débats, puisque là le DAL avait récupéré l'événement. Enfin, on pourrait en parler longuement avec la rue du Dragon à l'époque. Enfin, c'est des choses très du cassoulet. Voilà, c'est très problématique. Mais ceci dit, ça a été un événement effectivement fondateur, puisqu'il a donné notamment naissance au Satyricon, et effectivement La Chapelle à l'époque avait servi de base arrière à la création de ce grand événement. Voilà, la Chapelle. Pour correction quand même, c'était pas le premier squat, mais en tout cas c'était le premier squat posé comme un acte politique. Oui, puisque la Chapelle avait quand même déjà deux ans d'existence. Depuis 93, bien sûr. Deux ans d'existence. Mixer Myris, ça n'est où ? Alors ça en est que ça se résume en quatre mots, grosso merdo, c'est le procès aura bien lieu. Donc en tout cas là on en est là, c'est que le juge de situation, et ça a pris deux ans quand même pour avoir cette date, hein, faut mesurer quoi, faut prendre la mesure. Donc toujours avec ce principe d'usure en fait, de report de conclusion en conclusion, pour finalement arriver à une décision du juge disant oui il y a matière, oui le procès se doit d'avoir lieu. Donc on sait, il y a déjà une date. Donc il y a une date qui est alors il s'était engagé à poser une date sur le second semestre 23, finalement ce sera vraiment l'ultime date du second semestre 23, puisque ce sera le 21 décembre à 14h30, la veille de la fermeture des tribunaux pour la trêve des confiseurs. Où ça ? Dans quel tribunal ? Instance. Tribunal d'instance. Donc on va rappeler pourquoi il y aura procès, ce que vous reprochez à la métropole et à les mairies de Toulouse qui sont propriétaires des murs qui hébergeaient les activités de Mixer Myris, c'est que ce qui vous est reproché, c'est un certain nombre de travaux de sécurité et de sécurisation de l'endroit qui n'avaient pas été faits, sauf que c'est à la métropole et à la mairie de les faire. Ben c'est surtout, en tout cas, ils en avaient pris l'engagement lorsqu'ils ont acheté le lieu en 2018, la métropole, et c'est le vote de l'achat du lieu était bien assorti d'un engagement de leur part pour réaliser des travaux de mise en conformité. Et à partir du moment où ils ont acheté ce lieu-là, enfin, je vous passe tous les épisodes précédents, la cartoucherie avec Cohen, etc., etc. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, il s'était effectivement engagé à faire ses travaux et ça n'a jamais pu démarrer parce que jamais d'accord sur le budget, sur la manière de mettre en œuvre les travaux pour tenter de ne pas défigurer Mixer, mais qu'on ait bien un Mixer Myris à l'arrivée. Donc ça, c'était en 2021. On rappellera simplement que L'expulsion, c'est mi-janvier 21, n'empêche qu'en décembre 20... Alors, il n'y a pas d'expulsion, hein, oui, on est toujours sur fermeture, les locaux, mais fermeture. Dans un désert. Et un mois avant cette fermeture administrative, qui était la cause, c'est des problèmes sécuritaires, de sécurité, la mairie et la métropole avaient quand même squeezé le budget qui était attribué chaque année à Mixer Miris. Oui, l'on fait vraiment... Un hasard, sans doute. C'est ça, ouais, c'est un concours de circonstances malheureux, on appelle ça comme ça. On va le dire. Donc ça, on a compris, un procès en décembre 23, vous demandez que la mairie et la métropole fassent les travaux et vous réinstallent. On les attaque là-dessus, on les met en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité auxquels ils s'étaient engagés. Ouais. Bon, on verra qu'est-ce qui peut advenir de cette demande. Et par rapport à l'avenir de Mixer Miris, ce projet avec la mairie de Ramonville depuis un an, ça... Donc c'est planté, et c'est pas faute que le maire de Ramonville se soit agité avec un bel engagement. Alors c'est certes pas de thunes dans sa besace, mais un lieu sommaire, encore plus sommaire que le rue Ferdinand Lassalle, donc qui nécessitait des travaux tout aussi conséquents d'une certaine manière, même s'il y avait moins de surface. Et là, c'est le département et la région qui ne suivent pas, en fait, quoi. Et l'État, chacun trouvant formidable Mixer Miris, c'est tout ce qu'on a pu apporter au paysage, à la vie culturelle et artistique toulousaine et au-delà, mais que là, ils ne voient pas comment ils peuvent y aller, mais sans vraiment le dire non plus, quoi. Il y a une espèce de... Une espèce de jeu un peu merdeux, quoi, finalement, où on n'assume pas non plus de dire non à un projet, clairement, et en explicitant, et en argumentant. Et donc aussi pour tenter que ça ne communique pas trop autour d'un non clairement exprimé. Donc on en est là, c'est un peu habituel, quoi, hein, ça nous étonne guère. Le collectif de Mixer Miris, il vit la situation comment? Il s'est désagrégé depuis un an, il reste un noyau. Désagrégé, j'appellerai pas ça comme ça, parce que le mot n'est pas très heureux, mais en tout cas il s'est dispersé, ouais, bien sûr. Ouais. Les artistes avaient besoin de toute manière de pouvoir continuer à créer, et donc on cherchait et on trouvait pour certains des solutions autrement et différemment. Et puis certains, c'était temps qu'ils se barrent de Mixer Miris, de toute manière. Quoi. Il était temps. C'est dommage que ce soit cette occasion-là. Ils auraient mieux fait de le faire avant. Ça veut dire que là, c'est un peu la mort de Mixer Miris que vous êtes en train de nous raconter. Comme ça. Non, j'en parle pas comme ça, parce qu'il y a un ferment qui reste bien vivant, alors qu'il s'est énormément resserré en termes de personnes. Et en même temps, il y a quand même un deuxième cercle qui tient à avoir des nouvelles et qui a à cœur de... On a eu tout un tas de retours quand l'annonce du procès a été faite, tout un tas de retours de gens qui disent « On est toujours là, on est encore là, on y croit, on est avec vous, on sera là, qu'est-ce qu'on fait pour le jour du tribunal ? Il y a des consignes, enfin voilà, quoi. Il y a un enthousiasme qui reste bien, bien présent. Sauf que pour le moment, pas de point de chute sur pas de point de chute, ce qui est intéressant en tout cas, avec maintenant qu'il y a cette décision de date, cette date de procès posée, ça... Pour nous, ça ouvre un interstice qui va être intéressant à travailler. Alors, ça va se travailler tranquillement, gentiment, on va dire, mais ça va se travailler. Socialement... Ça peut ouvrir des portes, comme on dit. Socialement, on va dire qu'il y a eu combien de licenciements suite à cette fermeture Donc, c'est administrative? Une équipe de 6 personnes qui a été liquidée. Qui a été liquidée, là. Ouais. Et là, pour le moment, bon, enfin, ils ont trouvé autre chose ou ils sont au chômage. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que dans la série des squats culturels à Toulouse, il y a eu aussi la chapelle qui a eu un début d'histoire à peu près identique à Mixer Miris, avec pleine d'anicroches, pleine de suspension du lieu, de menaces d'expulsion, de mobilisation militante pour défendre l'endroit, pour finalement arriver à rester sur place avec Laval. L'archevêché. La situation est différente, mais effectivement, le lieu, la chance qu'il a eue, c'est clairement d'appartenir à l'Église, et que frapper sur des hommes de foi avec tout le message du Christ, c'est quand même... Il y a des biais possibles, plutôt que de taper sur des politiques ou sur des grands industriels qui, en fait, n'en ont rien à foutre. Les Curtons, même si ce sont des gros capitalistes, il n'empêche que quelque part les marchands du temple, ça leur fait mal. Donc le lieu, voilà, il a été d'une certaine façon protégé de par son propriétaire. Après, quand finalement l'archevêché a réussi à le vendre, que la ville, Cohen à l'époque, avec Nicole Belloubet, sont intervenus pour le racheter, bon, ben là... est arrivé une deuxième phase d'histoire où il a fallu négocier avec la ville pour récupérer ce lieu avec une option d'achat, voilà. Et donc on allait là avec des travaux qui étaient obligatoirement faits, ouais. et des travaux qui sont en train de se terminer, puisque exactement. On a vu passer il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux des appels à bénévoles pour venir finir ces travaux entamés depuis 7-8 ans. Oui, depuis longtemps. Là, on a réussi grâce aux dons à financer une toiture. 45 000 euros quand même de toiture, c'est pas rien. Et à partir de là, on va pouvoir faire. Enfin, ils vont pouvoir faire, les copains, là, tous les travaux électriques, etc. Là, on a fêté en juin les 30 ans. Il va y avoir un deuxième temps des 30 ans en octobre. Mais effectivement, c'est une drôle d'aventure qui continue. Et la chapelle restant le plus vieux squat culturel toulousain, puisque pour le coup, c'est vers 92-93. Juillet 93. Que ce lieu-là. Là, voilà, quasiment mais, aujourd'hui, voilà, jour pour jour, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Donc, Yann Valade, qui était militant culturel à la chapelle à ses débuts, qui entre-temps a continué de militer culturellement, mais ailleurs, à la CAFPO. La CAFPO, ça fait combien de temps que vous y êtes ? 9 ans. Et c'est vrai que dès le premier été de votre mise en place, on a vu arriver une série de concerts pendant l'été. Toulouse, qui d'habitude à partir de mi-juillet n'avait plus l'occasion d'écouter de la musique et se mourait tranquillement, avait au moins un lieu pour aller écouter de la musique. C'est vrai que c'est quelque chose que vous avez développé dès que vous êtes arrivé à la CAFPO il y a 9 ans. Oui, bon, ça existait déjà, mais effectivement, bon, je l'ai développé le Covid nous a aidé là, puisqu'on a carrément installé la scène en plein air dans la cour derrière, qui a amené une respiration vraiment à ce rendez-vous, d'autant que dans la cour à côté il y a le plein air de la Cinémathèque. Donc aujourd'hui effectivement ça propose à Toulouse, aux Toulousains, sur tout l'été, vraiment de début juillet, de ce soir jusqu'à fin août. Une double soirée, musique et cinéma, c'est vrai. C'est-à-dire pour le même ticket, vous allez assister à un concert à la CAF Poésie et vous tarif réduit à 22h à la Cinémathèque. Ou inversement, avec votre ticket de la Cinémathèque, vous pouvez venir à la CAF Po et avoir un tarif réduit à la CAF Po. Avec, dès la semaine prochaine, Leïla Martial. Mais non, mais dès demain quand même, n'oublions pas l'anniversaire de Caramel Mouf. Hein, ne soyez pas si timide, Joe Kangourou. On en parlera jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai. Voilà, on commence demain soir à 21h avec toute une palette d'artistes qu'a invité Joe Kangourou. Chers auditeurs, chères auditrices, salut les filles. Et sinon, la programmation de la cave à partir de mercredi, effectivement avec les Glas Martial. La caractéristique, c'est que c'est toujours des jeunes artistes de la région, des talents à découvrir, donc des gens sans doute que vous ne connaissez pas et qu'on vous invite à venir découvrir dans une atmosphère conviviale. Voilà, et le côté sympathique de l'opération aussi, c'est qu'ils s'installent pour une semaine. Ça veut dire qu'ils ont largement le temps de prendre leur marque. C'est ça, du mardi au samedi. Effectivement, c'est rare aujourd'hui pour les artistes de faire des séries. On essaye de faire l'effort à la cave. Effectivement, ça leur permet de développer des projets. Leïla Martial, la semaine prochaine, elle va essuyer les plâtres de son nouveau solo qui s'appelle Jubila, dans lequel elle mélange chant mais aussi clown. Elle va beaucoup plus parler que dans ses concerts précédents et elle vient le faire à la cave avant de partir sur les grands festivals pour proposer cette nouvelle création. Très bien, et Leïla Martial, on va l'écouter avec un extrait de son ancien répertoire Créature, en trio. Leïla Martial, donc on retrouvera à partir de mercredi prochain à la cave Poésie. Leïla Martial, on peut y aller, c'est parti. Thank you. alors, petit professeur Thibault. Mais quelle entrée en matière. Bonsoir, petite fée de la FM. Redites-le-moi, c'est la dernière fois. Bonsoir, petite fée de la FM. Wow, ça, je crois que c'est ce qui va me manquer le plus. Voilà, c'est une métaphore. Ouais. Petit professeur, c'est pas une métaphore. Petit professeur. Bon, est-ce que vous avez été fidèle à votre réputation? C'est-à-dire que vous êtes encore en train de chercher de quoi qu'on cause, alors que hier, vous m'avez quand même promis un jeu radiophonique. Mais oui, mais je peux vous en faire deux, trois. Mais de mémoire, j'ai mon portable à côté. Attendez, il faut que je tape le code. C'est compliqué. La vie est compliquée. Bon, allez, très vite fait. Ah. Je vous donne un titre de film officiel et vous me donnez le titre de la parodie porno. D'accord. D'accord, mais très vite fait. On va faire deux, trois. Le Grand Bleu. Le Gland Bleu. Oui. D'abord, ici, on connaît. Voilà. Et c'est Manuel Pomard qui gagne le pompon. Alice au Pays des Merveilles. Ça glisse au Pays des Merveilles. Décidément, mais c'est ça à mon crâne. Mais j'aurais jamais cru. Je l'ai pas vu. C'est pas un magazine culturel qu'il aurait dû fallu faire. Alors, avec celui-là, je vais briser ma carrière. Le château de ma mère. La foufoune à pépère. Et on s'approche. Je vois qu'il y a quand même des connaisseurs. Je veux pas dire. Personne veut y aller là. C'est moi qui vais y aller. C'est bon. Voilà. Ça va être un grand moment de ridicule. Ça existe. Alors ça s'appelle Marcel Pignol. 2. La chatte à ta mère. Voilà. Alors est-ce que la préquelle ça paye? Marcel Pignol, les couilles de mon père. La couille de mon père. La bande originale c'était Baliboulé. Oh bravo, mon crâne est en grande forme ce soir. Un truc pour les jeunes. Oui. Fast and Furious. Fist. Fist. Vous êtes plus pervers que je le croyais. J'accepte la réponse. Fucking Furious. Ah ouais, Fucking Furious. Voilà, Dracula. Bon, Dracula, c'est tout simple. Hein. Allez. En fait, il y en a deux. Il y en a un, c'est en anglais, c'est Dracula Sucks. Uh-huh. Voilà, ça c'est magnifique. Ouais, ouais. Donc Dracula Sus. Ouais. Voilà. Et il y a Draculax. Ah oui, évidemment. Et Carmel Mou. On pourrait dire Carmel Moux. Hein, je vous permets pas. Je croyais que ça allait être dranculé. Mais bon. Bon, allez, terminé. On va arrêter là. J'aurais pu continuer des heures, hein, parce que j'en avais un sacré paquet quand même. Hein. J'avais bien travaillé. La suite sur Facebook. Un peu de plein air. Voilà. Écoutez, les projections plein air commencent ce soir. Ça tombe bien parce qu'on a annulé, parce qu'il va pleuvoir. Ah ouais. Donc, Jean-François vient à Toulouse et payé pour le concert, mais il le fera pas. Et je sais pas s'il est payé, peut-être qu'il. Il l'a pas fait. Non, il va le faire en salle. On va le dire vite fait, on va reprendre tout dans l'ordre. Ce soir commence à la Cinémathèque de Toulouse les projections en plein air d'été. Vous l'avez compris, la première projection en plein air aura lieu à l'intérieur de la Cinémathèque. Et c'est un ciné-concert autour de Laurel et Hardy avec Jean-François Zigiel qui viendra animer ce ciné-concert au piano. Tout à fait. Comme vous dites, animé, parce qu'il ne fait pas que jouer. Oui, évidemment, il parle. Il parle aussi. On connaît sa faconde. Exactement. Donc, écoutez, ouverture donc, de ces projections plein air. Ouais. Demain, peut-être, ce sera d'ailleurs peut-être la véritable ouverture. Ouais. Alors, c'est un film de votre génération, puisque ce sera Easy Rider. Ouais. Et vous savez que moi, je sais... Easy Rider, et non pas sa parodie, Easy Rider, comme vous connaissez. Qui existe aussi. Non, elle n'existe pas, celle-là. C'est moi qui l'ai... C'est moi qui l'ai rêvé. Donc voilà, donc on pourra voir plein de bonnes choses, d'autres moins parce qu'il en faut pour tous les goûts. Hein, voilà. Donc c'est une programmation qui ratisse large. Mmh. C'est voulu comme ça. Vous avez souvent dit ici que ces projections-là, c'était du cinéma populaire. Et pour tout le monde. Oui, ça reste populaire pour tout le monde. Et puis surtout, ce qu'il y a d'intéressant dans le plein air, c'est la désacralisation de la projection. Mmh. Vous savez qu'une cinémathèque, c'est quand même une espèce de lieu comme ça, un temple de la culture. Ouais, c'est un musée, comme. Voilà. Oui, c'est vrai, en plus. Hein, c'est tout à fait exactement, avec des gens qui chutent, etc. etc. Ben, je trouve que le plein air, en fait, c'est bien parce que ça brise un petit peu tout ça. Et du coup, en fait, c'est plus le film qui est important. On sait tous que le cinéma est une expérience expérience collective, qu'elle soit en salle ou en plein air. Mais je pense qu'elle l'est beaucoup plus, voilà, en plein air, l'ambiance est beaucoup plus décontractée. Donc des fois, effectivement, on peut voir des films de merde, mais on s'y amuse carrément. Eh ben ouais. Voilà, donc on va voir plein de trucs. On pourra revoir The Lobster, Ghost Dog. Ghost Dog, ça vous plaît, ça, ça vous parle, Jim Jarmusch, là, avec ses mafieux en survêtement. Ouais. On pourra revoir l'admirable Silence des agneaux de Jonathan Demme. Donc, qu'est-ce qu'on pourra revoir? Taxi Driver, ça fait longtemps. Moi, je vais y retourner à Taxi Driver. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Scénarisé par Paul Schrader. Vous savez que Taxi Driver, en fait, le scénario est complètement inspiré de Robert Bresson. En fait, oui. C'est Journal d'un curé de campagne. Eh oui. Alors là, celle-là, vous allez me la développer en 2-3 minutes. Vous voulez que je vous la développe en 2-3 minutes? Si vous prenez le personnage en fait de Travis Bickle, qui est quelque part laissé pour compte, comme ce brave curé de campagne. Donc, qui arrive. Robert De Niro, hein, qui est joué par Robert De Niro, pas dans le film de Robert Bresson. je précise. Travis Bickle, donc Robert De Niro, est un petit peu le pendant de ce pauvre curé de campagne là qui arrive, qui est rejeté par tout le monde. C'est le cas de Travis Bickle. Jeté, etc. Et tout correspond, si vous voulez, à ce que fait Travis Bickle dans le film. Sauf que, bien sûr, le journal d'un curé de campagne ne tombe pas dans l'ultra-violence, ce que fait le film de Scorsese, que journal d'un curé de campagne, évidemment, est débarrassé de ce côté urbain. Mais je vous garantis que le personnage mange la même chose. Vous savez, Travis Bickle, là, se nourrit de cornflakes avec du whisky. Ouais. Journal d'un curé de campagne, en fait, c'est du pain trempé dans du vin et qui a ce côté, au niveau des personnages, comme ça, tout maigre, et qui tombe dans une espèce de d'obsession. Alors, il y a une obsession de la foi dans le journal d'un curé de campagne, et il y a l'obsession de l'assassinat de cet homme politique, donc, dans Taxi Driver. Ouais. On pourra revoir le film de Jane Campion, La leçon de piano, qui est un formidable mélo. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à en dire? Qu'il y a un Harvey Keitel qui est extraordinaire, une Holly Hunter formidable, et puis on va beaucoup pleurer, ça va être très triste, et on va se remonter le moral, enfin, quoique, avec Blue Velvet de David Lynch. Ah, ben, voilà. Voyage à travers une oreille, comme on dit, voilà, comment gratter le vernis des États-Unis pour trouver des choses pas très propres, donc, derrière ces pelouses si vertes, ouais. Et ces bosquets aussi si verts. Et les barrières blanches. Et les barrières blanches, oui. Elle cherche quoi, la Cinémathèque, avec ses projections d'été? De fidéliser... Mais à gagner de l'argent. De fidéliser... Qu'est-ce que vous croyez? Un nouveau public, c'est... Non, c'est tout simplement que écoutez, l'été est une période un petit peu difficile. On peut pas bâtir de cycle, vous allez pas faire une rétrospective justement Robert Bresson en plein mois d'août, voilà. Mais on fait jamais de rétrospective Robert Bresson, même en plein hiver. Oui, mais c'est pas possible. Mais bon, encore une fois, je vous absous. Non, voilà, donc c'est l'été est une période terriblement difficile à programmer. Donc on s'est dirigé justement vers ces projections plein air. Je pense justement à cause de l'ambiance, ce dont je parlais au départ, puis surtout justement pour désacraliser un peu le lieu et tout, pour dire, ben voilà, la Cinémathèque, voilà, c'est pas que des vieux films poussiéreux, etc., etc. On peut aussi s'y amuser beaucoup, et on s'y amuse même pendant tout le reste de l'année. Hein. Il y a suffisamment de programmation et de cycles et de rubriques pour pouvoir trouver chaussure à son pied. Donc ça commence ce soir. L'information, c'est que la projection ne se fera pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur du cinéma, puisqu'on nous annonce quelques orages carabinés. Et puis, ça va continuer jusqu'à fin août, avec cette opération qui est menée de concert avec la CAF Poésie, qui se trouve juste à côté, où pour un même ticket, on peut assister à un spectacle chez l'un et avoir une réduction pour rentrer chez l'autre. C'est exactement ça. Mais c'est parfait. Ça, c'est formidable. On en fait des choses formidables. Bah, c'est formidable. Moi, c'est une ville formidable. Ah, mais c'est... Oh, c'est une ville, oh, culturellement, c'est vavavoum. Là, ça pète le feu, c'est vavavoum. Vas-y, je vais à la CAFPO, je vais écouter de la musique et après, je suis complètement dingue, je vais voir un film en plein air. Et ça, c'est incroyable. Hein. Ouais. Ça se fait pas partout. Hein. Allez, Fred Thibault, merci pour cette dernière chronique qui restera peut-être dans les mémoires, un morceau de musique, et on continue à essayer d'arriver à la fin de cette émission. Thank you. Voilà, on vient d'écouter Mock, la part du chien Mock, un duo qui sera ce soir à la Maison Salvang pour la clôture de la saison 2022-2023. Il y a également un ciné-concert prévu dans le cadre de cette fin de saison. Mock, plutôt musique expérimentale, duo de guitare avec un son qui n'est pas sans rappeler Duruti Colonne et Vinny Virelli il y a dans les années 90 par là. Chez Factory Records. Exactement. D'ailleurs, oui, un groupe assez étrange dans le catalogue de Factory. Oui, mais bon, c'est un catalogue protéiforme, c'est pour ça qu'on l'aime. Je lis la dépêche et j'ai vu que vous aviez eu un portrait, et ça nous amène à parler de lieu commun. On en est où, lieu commun? Le 1er juillet est passé. Oui. Et donc, le bail est reconduit tacitement pour 3 ans. Donc, ça veut dire 3 ans, c'est quoi? C'est fin 2026. Voilà, c'est ça. Ce qui va très très vite. Après, voilà, ça m'a libéré la tête et le cœur. ça commençait à me peser. Après, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'on va à nouveau rentrer dans des pourparlers qui, de toute façon, vont rester longtemps au point mort avec nos partenaires. Pas avec tous les partenaires, mais bon. Quand on voit le paysage actuel des arts visuels... après la fermeture de Mixart, qui a mis quand même un coup énorme en termes d'espace d'atelier, donc de respiration, de possibilité de travail pour les artistes. On a quand même le BBB qui devait être relogé, qui ne le sera pas et qui n'a pas de direction, qui n'a pas de direction artistique depuis plus d'un an. Et on ne sait toujours pas, il n'y a pas eu d'appel pour un nouveau poste. La direction des Beaux-Arts, oui. Pareil. Oh, c'est très bien qu'à l'ISDAT, en ce moment, le directeur général est parti et le directeur des affaires financières. Et l'appel n'a toujours pas été lancé, donc il y aura une rentrée sans direction. Les abattoirs, bon, Annabelle s'en va sous d'autres horizons, ça c'est son choix. Mais là, pareil, je pense que j'espère que le changement de direction ne va pas prendre trop de temps. Idem du côté de Lectour avec le centre d'art où il n'y a pas de direction en ce moment. Donc c'est vrai que c'est assez assez morose. On se demande où est-ce qu'on veut ça va en venir tout ça, parce que franchement en 25 ans j'ai rarement vu l'écosystème dans un état aussi fragile. Quoi. Alors qu'on vient de vivre une nouvelle version du printemps de septembre. Oui, le nouveau printemps. Bon. C'est sûrement bien qu'il soit resté, qu'il n'ait pas été dégommé lui aussi, parce que je suis pu arriver. Cependant, j'attends de voir la prochaine édition, en espérant qu'il y en ait une. J'espère qu'il y en aura une. Mais on le voit, ce changement d'échelle. C'est très bien de se focaliser sur des quartiers, de passer de Saint-Cyprien au Carme. On reste malgré tout dans le centre-ville historique des jolies briques roses et d'un certain public. J'espère que le nouveau printemps voyagera vers d'autres quartiers toulousains, qui est une vaste ville très diverse. S'il arrive à aller ailleurs dans un an, ce qui n'est pas non plus gagné, l'ISDAT, pour revenir à eux, on annonce quand même une trésorerie à sec pour le mois de septembre-octobre. Oui. Déjà, les passages des diplômes... moi, j'ai discuté avec les enseignants, les étudiants, les jurys n'avaient pas garanti le défraiement de leur déplacement, ce qui est quand même assez, assez fou, quoi, parce que oui, on fait venir 5 personnes d'un jury, évidemment de partout en France, donc à leurs frais. Bon, moi, j'ai souvent fait des jurys passage de diplôme, on est rémunéré. Très faiblement, et un an après en général. je ne sais pas dans quelle profession ça se passe comme ça, mais bon, chez nous, oui, apparemment. En tout cas, les diplômes se sont super bien passés. Alors, est-ce que c'est la dernière promo qui a eu accès à tout le panel d'ateliers que peut ou pouvait offrir cette école fantastique? Je ne sais pas. Je connais pas mal d'étudiants en quatrième année avec qui nous avons travaillé. J'espère qu'ils pourront encore avoir accès à des scies à ruban, à des, voilà, un atelier bois. On a toujours besoin de construire. Ce que nous disait. Ou un atelier son. L'étudiant qui est venu nous parler de l'ISDAT il y a trois semaines. L'atelier bois venait de fermer parce que le budget bois était épuisé. Et il n'y avait plus de matières premières. Oui, et surtout parce que l'artiste technicien qui avait en charge l'atelier. Au vu des conditions qu'on lui proposait pour reconduire son poste, a dignement refusé. Et donc, il n'y a plus personne pour tenir l'atelier. Et là aussi, ce n'est pas dit qu'à la rentrée, il soit remplacé. Sûrement pas, d'ailleurs. Il y a une malédiction à Toulouse pour... Écoutez... Dans le micro, Joël... Il y a une absence de volonté politique, ou plutôt une volonté politique de désinguer tout ça, quoi. Ah, c'est donc pas ésotérique. Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas comment une ville comme Toulouse peut flinguer à ce point sa scène art plastique. Alors je me souviens, j'espère que je ne vais pas me tromper, il y avait eu un article dans Boudu il y a 4-5 ans sur le désamour, je crois que c'était le titre, désamour entre Toulouse et l'art contemporain. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Je crois pas qu'il y ait un désamour entre les Toulousains, en tous les cas. Moi, je peux vous témoigner qu'à lieu commun, il y a du monde qui vient voir les expos, qui vient avec enthousiasme, plaisir, appétit, curiosité. Donc, je crois pas qu'il y ait un désamour. Je vois pas pourquoi les Toulousains n'aimeraient pas l'art. Oui, mais effectivement, je pense qu'il y a et un manque de regard, de réflexion et d'ambition, même si j'aime pas trop ce mot. L'idée, c'est pas d'en rajouter ou de gonfler les biscottos. Non, l'idée, c'est que l'art, les arts visuels, c'est comme toute nourriture culturelle, c'est une nécessité. C'est une nécessité, d'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, on passe notre temps le nez sur l'écran. Les gamins, la même chose. On va finir par naître avec ça entre les doigts. Donc, l'idée de savoir voir, d'apprendre à regarder, d'avoir une culture visuelle, ça me semble capital. Et l'art est un des outils qui amène les clés du regard. Donc, si on laisse vacant cet espace-là, on est encore dans ce mouvement de déséducation, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, c'était aussi pour ça que vous êtes venu régulièrement faire des chroniques dans cette émission, pour rappeler que cette scène-là existe, qu'elle se débat avec trois fois que dalle et des bouts de ficelle, mais qu'elle existe encore. Il faut dire qu'il y a une scène, une super scène d'art visuel et d'artistes à Toulouse. Il y a des artistes de toute génération qui... En plus, ce que j'aime à Toulouse... Enfin, parce que je la connais un peu, cette scène. Ça va du dessin, enfin de forme assez, on va dire, assez classique, à des choses plus expérimentales. Il y a beaucoup de liens avec le spectacle vivant aussi, dans la performance, dans tous les contacts avec la musique, avec le son, avec la vidéo. Donc c'est une scène qui a une diversité folle et qui a un appétit, qui est volontaire. De toute façon, ils n'ont pas le choix, les artistes. Il faut qu'ils se prennent en main. Enfin, ils se prennent en main. Ils créent des ateliers collectifs. Il y en a beaucoup. Avec Joël, on avait fait Bricodrama avec certains des ateliers collectifs de la ville. Et pour souligner, signifier cette dynamique. Et ça, c'est l'art, le réel de l'art à Toulouse. Il est là. Il est dans tous ces ateliers essaimés dans la ville, où ce sont les artistes qui créent leur cadre de travail, tout simplement. Je ne suis pas certain que ce soit aux villes d'être opérateur, d'être programmateur. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de professionnels. Et justement, ces associations, ces professionnels demandent aux villes de les épauler, de les accompagner. Donc, on peut travailler ensemble, en fait. On devrait pouvoir travailler ensemble. Leur place. Avant de se quitter, Manuel Pomard, deux, trois choses à nous proposer pour cet été ou pas? Ouais, je vous en propose deux, je vais vite. Alors, moi, j'ai vu au MRAC, c'est à Sérignan, le musée régional d'art contemporain. Fort bel équipement de la région. Mais il y a une expo de deux artistes que j'adore, c'est un couple, c'est Petra Merzik et Jean-François Morisseau, qui sont des dessinateurs fous. Ils ont un trait ligne claire incroyable. C'est-à-dire qu'un coup de feutre, ils vous créent un monde. Et c'est une expo, je crois qu'il y a 600 dessins, juste punaisés au mur. Il n'y a même pas de cadre, il n'y a pas de vitre qui nous sépare de la feuille. De... En plus, c'est sur du papier machine à 4. Et avec ce matériau le plus basique qui soit... On a droit à une galerie de portraits. Alors, ces traits, leurs thématiques sont hyper loufoques. Je pense que tout le monde connaît finalement parce qu'ils ont fait un clip pour Philippe Catherine ou pour Sébastien Tellier. Il y a toujours des belles paires de fesses qui se baladent, qui deviennent des bouches. Tout se transforme. C'est un monde en mutation permanente. Donc voilà, pour ceux qui sont vers le coin de Béziers, voilà. Tout ça, faut pas hésiter à aller voir cette exposition. Donc à Sérignan. Oui, alors moi demain, je serai pas à la CAFPO, j'en suis désolé. Je vais être à Saint-Gaudens parce qu'il y a un vernissage au centre d'art à la chapelle Saint-Jacques de Valérie Duchesnay et Régis Pinault. Et c'est deux artistes avec qui j'avais travaillé sur Peinture Barbare. Et ils font des films, alors qui sont assez dans l'air du temps, parce que ça se fait beaucoup des films autour de tribus fictives, fantasmées, donc qui sont prétextes surtout à faire des costumes, à inventer des rituels qui créent des formes plastiques. Et voilà, demain, ils présentent le film au cinéma Le Régent, je crois, à Saint-Gaudens. Et ensuite, il y a tous les à côté du film, c'est-à-dire les décors, les costumes qui sont présentés à la chapelle. Et je vais aller voir et je présuppose que c'est bien, mais ai-je raison? vous nous le direz la prochaine fois, mais ça risque d'être dans assez longtemps. Donc ça, c'est demain à Saint-Gaudens, ça reste un petit moment. Ça reste tout l'été. Il y a l'été photographique à Lectour bientôt, la semaine prochaine. La semaine prochaine, le départ. Ça, en général, ça vaut le détour. Allez, on va passer à un peu de musique. Elles auraient pu être la nouveauté de la semaine. Elles étaient hier à la maison Malepère. La maison Malepère, c'est cette espèce de guinguette éphémère qui se trouve du côté de la route de l'Abège, qui a ouvert mi-juin et ils vont continuer à être ouverts jusqu'à mi-septembre, en proposant 2-3 fois par semaine de la musique. Et donc hier, c'était Anouk, un quartet féminin de chant polyphonique qui sortait un premier CD 6 titres et c'est notre nouveauté de la semaine, même si c'est pas le premier morceau de l'émission. Anouk, que l'on avait écouté l'année dernière dans ce studio pour un concert à la radio, on écoute tout de suite More Sokol Pie, donc extrait de ce 6 titres qui est sorti hier. Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun Moresso col pie Moresso col pie, Stevet Lutirani. Stevet Lutirani. Site Kurshum Lio. Yane, Yane Belo Gelo. Yane, Yane Kratko Yane. Adese Tarana. Desetarana, sonos probodena. Yane, yane belo gelo. Yane, yane kratko yane. Moris ukari, moris ukari, moris ukari, moris ukari, moris ukari, moris ukari. Voilà, Anouk Morse-Kolpaï, extrait donc de ce premier album, 6 titres, sorti hier, et donc nouveauté de la semaine dans Caramel Mou. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, vous... Caramel Mou. Delphine Jouve, bonjour. Bonjour, et merci de me recevoir. Juste avant le lancement de cette nouvelle édition de Fête de l'Image, la façon dont vous orthographiez Fête de l'Image est importante, puisque c'est F-A-I-T-E-S, fabriquer des images. Une fête qui existe depuis une petite vingtaine d'années, portée par une association, les vidéophages. Les vidéophages qui font des animations autour de l'image, des courts-métrages, de la photo pendant toute l'année. Est-ce que cette fête de l'image qui a lieu chaque année en juillet, c'est le résultat et c'est le point d'orgue du travail que vous faites pendant toute l'année à Toulouse? Oui, on peut dire ça. C'est vrai que c'est vraiment le point d'orgue. Au début, il avait été pensé comme notre dernière soirée mensuelle en plein air sous les étoiles, parce qu'on fait depuis toujours, depuis 22 ans, des projections mensuelles de découvertes de courts-métrages, en effet, dans des lieux pas dédiés à la culture. Et là, on est installé au bistrot des Tilleuls. Et puis cette dernière en juillet, on l'avait pensé au début vraiment comme une ouverture, on se fait plaisir, on va dehors, et puis on invite tous les copains qu'on a croisés, tous les gens qu'on a, les artistes, toutes les personnes qu'on a découvertes et qui font de l'image, et on fait une projection plein air, mais en 22 ans, ça s'est énormément étoffé, et du coup c'est vrai que ça devient un vrai festival de faiseurs d'images. Donc on invite des gens qui sont en réflexion, on lance un appel à projet en décembre, on fait une programmation avec tout ce qu'on reçoit, on essaie de construire une programmation qui met en avant justement cette créativité qu'on a maintenant autour de l'image, qui mélange des fois la danse, la musique, mais aussi toutes les formes de numérique, de pellicule, enfin toutes les formes, les formats de films. Et ça fait du coup un festival assez difficile à décrire en quelques mots, parce que c'est vraiment un parcours, une balade dans un quartier chaque année, qui est comme ça jalonné de propositions artistiques très variées, depuis l'expo photo jusqu'au ciné-concert complètement barré. Ou du diaporama, du bon vieux diaporama mis en musique. Exactement. Par des musiciens. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on a vu votre programmation s'étoffer. Il y a une ouverture tout azimut autour de l'image que l'on peut fabriquer avec un appareil photo, une caméra, mais l'image aussi que peut donner un corps en train de danser. Exactement. Ouais, on a vraiment un éventail sur l'image qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire, on a même de la gypsogravure, de la gravure sur plâtre, ouais, qui va être proposée. Donc c'est vraiment, on part dans tous les sens. Il y a vraiment, cette année, il y a 7 exposants. Il y a 11 installations audiovisuelles, on a des performances, c'est des spectacles. Il y a aussi des 3 écrans qui seront montés, un écran dédié qu'au court-métrage, bien sûr, parce que c'est notre dada, mais aussi 2 autres écrans qui proposeront des formes hybrides avec de la musique. Donc on a vraiment un grand éventail des possibles sur l'image, et puis bien sûr des projections et des mises en lumière. On a une équipe lumière avec nous depuis plusieurs années qui s'est montée de façon bénévole au début, puis qui se professionnalise, qui travaille vraiment sur la scénographie lumière du quartier. ça nous tient très à cœur aussi d'en faire un moment poétique, de se réapproprier Toulouse, de se dire, ben voilà, là, c'est un espace réinventé ensemble, quoi. Oui, quand vous dites se réapproprier Toulouse, c'est vrai que depuis quelques années, le festival s'installe dans divers quartiers toulousains. Pendant longtemps, ça a été à l'Observatoire de Jolimont. Et là, cette année, vous vous installez au minimum du côté des Mazades, entre l'avenue des Mazades et la rue Michel-Ange. C'est ça. En fait, on est vraiment à la croisée de trois quartiers même. Parce qu'on est le long de l'avenue Estève, pour ceux qui connaissent, la patte d'oie des Minimes. Donc la colonne vertébrale, ça sera la rue des Anges. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait comme thématique étrange cette année. Et du coup, on est à la croisée entre Minimes, Mazades et Nègre Naïf. Donc le festival borde les trois quartiers toulousains. Avec un thème que vous venez de citer, étrange, pourquoi étrange ? Alors étrange, on a cherché parce qu'on cherchait un mot qui un fil rouge pour aider les artistes à nous faire des propositions artistiques. À chaque fois, on cherche quelque chose qui est un peu en résonance avec notre temps. C'est vrai qu'en décembre, on était quand même dans plein de questionnements, que ce soit écologique, politique, sociétaux, où on disait bon, plein de choses étranges autour de nous. Il y avait le nom de la rue qui nous a aidé aussi parce qu'on s'en cherchait à se dire qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme mot avec ange dedans. Et c'est que l'étrange nous a paru complètement adapté. Il y avait aussi un clin d'œil au film de Louis Jouvet quand il dit bizarre, comme c'est étrange, bien sûr, avec cette répétition et comme on est un aîné de répétition, parce qu'on est à 22e édition. Donc on s'était dit, c'est vrai que voilà. Donc quand on voilà, tout ça s'est aligné et puis on s'est dit, non, c'est vrai. On va lancer cette thématique étrange au niveau des artistes. On a pour le coup eu plein de propositions très très étranges et on a dû faire des choix assez durs parce qu'on a eu beaucoup de propositions cette année. On a gardé 42 projets quand même, c'est assez énorme, on est un peu fou. Donc c'est sur deux jours, c'est quand même un énorme feu d'artifice audiovisuel, créatif, ça grouille dans tous les sens. C'est vrai que c'est une belle édition qui se prépare, quoi. Oui, et c'est vrai que sur deux jours, donc ce soir et demain, toute la journée, 43 projets, 72 artistes, deux espaces de diffusion, et puis comme d'habitude, des ateliers, puisque en plus de voir, les festivaliers sont aussi invités à venir pratiquer. Il y aura de la réalisation de kaléidoscopes vidéo, il y aura de la création de films Polaroid, il y aura une borne à selfie argentique. L'argentique, oui. ça fait bien longtemps qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est. C'est vraiment de décloisonner, de ne pas être dans un statut d'artiste et puis se sentir, de faire des passerelles et du coup, c'est vrai que de permettre au public d'avoir des moments de créativité, de création. Il y a vraiment cette année un choix très très varié, comme tu disais, entre le photomaton, il y a même des photos qui vont se faire en pose lente. Donc c'est vrai qu'on retrouve un peu on s'éloigne un peu du numérique où tout est facile à faire, on a juste à appuyer sur un bouton et il y a la gypsographie comme je disais, la sérigraphie de la poésie sur caillou, enfin vraiment on a eu tellement de propositions étranges et on s'est dit on va garder un peu de tout, et donc c'est vrai que ça fait une propos, il y a beaucoup de choix et ça c'est vrai que c'est entre 18h et 22h. Bon ben voilà, donc voilà. Fête de l'image le vendredi 7 juillet, le samedi 8 juillet. On peut dire aussi un quelque chose d'important qui est assez détonnant par rapport, très spécifique au vidéophage, c'est qu'on propose une entrée à participation libre. Tout le monde peut venir, se sentir libre de venir, repartir, faire quelque chose d'autre et revenir. Par exemple, fêter la dernière de Caramel Mou et puis passer un tour quand même. Et après, on participe comme on a envie. C'est en bien. Fonction de ses moyens, de son goût. Fête de l'image organisée par l'association Les Vidéophages, vendredi 7 et samedi 8 juillet, ça commence à 18h et ce soir et demain soir, ça se terminera au-delà de minuit. Bon festival. Oui. Merci. Et à très bientôt. Vous croyez qu'en radio ça va marcher ça ? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel Mou. Salam Okran, bonsoir. Bonsoir. On vous a peu entendu sur ces ondes cette année. On va essayer de rattraper un tout petit peu le temps perdu. Comment s'est passée l'année pour le directeur du tactique collectif que vous êtes? Alors, mon année s'est passée dans la rue, en manif, pour démarrer l'année. Voilà, avec Tactique Collectif, on a fait une expo en ce début d'année qui s'appelait Portrait de France. Voilà, qui se passait à l'hôpital Lagrave et qui était... À l'hôpital Lagrave, voilà, dans un réfectoire, là où il y a le printemps de septembre d'ailleurs qui nous suit. Qui était assez magnifique, voilà, avec Pascal Blanchard. Qui était un des commissaires de cette expo, effectivement. Qui est venu en parler à Toulouse. C'était pas mal, c'était bien. Bon, le lieu est pas facile, mais... Mais bon, c'était pas mal. On avait fait aussi, on avait travaillé justement à une j'allais dire une augmentation. On en rêve tous des augmentations, mais un ajout. En fait, un complément qui s'appelait Portrait de Toulousain, sur lequel on s'est aussi bien. J'allais dire bien amusé. Enfin, pour nous, c'était important. Alors, dans l'expo, Portrait de France, il y a des gens de partout, de toute la France. Il y avait... Et dans Portrait de Toulousain, faire une galerie de portraits, il y en avait une vingtaine. Et tout à l'heure, quand Manu y parlait, je pensais à notre regretté ami José Vaz, dont on a fait un portrait magnifique dans cette expo, à Mamadi Kaba. Mamadi Kaba, le griot, fondateur du théâtre de l'Acte, du théâtre Garonne, qui voilà, avait un peu aussi. Alors évidemment, il y avait aussi des portraits de résistants, de résistantes. Mais il y avait un peu cette idée-là, quoi. Moi, je suis toujours et de plus en plus sur cette idée, en fait, que cette ville, qu'il faut aussi la raconter. Alors, j'ai entendu tout à l'heure Manu parler de Michel Battle. Bon, moi, je l'aime beaucoup, Michel Battle. Non, mais par exemple, si je le cite à lui, pourquoi? C'est pas pour, au-delà du fait que je l'aime beaucoup. C'est des histoires toulousaines super intéressantes. Je veux dire, là où il y a le cratère aujourd'hui, c'est Michel Battle qui, dans les années 68, déjà avec Mamadi Kaba, avec l'équipe du ring. La vie culturelle. Moi, je trouve qu'on a un truc. Il y a un Facebook que j'aime beaucoup, qui s'appelle les archives du rock toulousain. Voilà. Alors, c'est pas pour faire du passéisme, pour être. Non. Mais je pense qu'en fait, l'un des sujets que vous avez évoqué là tout à l'heure, là, sur le désamour ou pas désamour, on a une empreinte, je veux dire, on a une histoire dans cette ville. Des racines. Je sais pas, la semaine dernière, on a fait. Hervé, il a fait les 40 ans du bikini. Au-delà du fait que ça nous vieillit. C'est quand même, je veux dire, c'est peut-être un des... Ça fait de Toulouse peut-être la capitale du rock en France, le bikini, quoi. Quasiment, quoi. Mais je veux dire, c'est... Donc il y a toutes ces histoires de lieux, tout ça. Enfin voilà, ça a occupé un peu mon début d'année. Ça a occupé pas mal mon début d'année. De plus en plus, c'est des sujets vers lesquels j'ai envie d'aller. Ça doit être mon âge, mais voilà, de travailler un peu sur la mémoire avant que je la perde. Et donc là, cette année, alors, par exemple, on est en plein en train de travailler sur... Et on est en train de travailler sur donc, le 20e Origine Contrôlée, qui aura lieu à la rentrée. On est dans l'ère des anniversaires maintenant. C'est vrai. C'est le 30e de la Chapelle, le 20e Origine Contrôlée, les 50 ans de la maison de quartier de Bagatelle. Et les 40 ans du bikini. Et les 40 ans du bikini. Et les 40 ans des marches pour l'égalité contre le racisme, des marches des beurs. Et les 40 ans de Campus FM quand même. Et les 40, mais les 40 ans des radios libres en fait, quoi. De Campus FM, de Canal Sud, d'Éphémère, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je parlais des marches des beurs parce qu'évidemment, 40 ans après, une marche pour l'égalité contre le racisme qui est déclenchée par quelqu'un qui a maille à partir avec la police ou avec des racistes, avec un été meurtrier, c'était l'été 83, le drame de Nanterre avec l'assassinat de Naël, ça résonne quand même. Alors je dis pas que tout est pareil et tout, mais ça résonne quand même. Et que rien n'a changé depuis 40 ans. Je sais pas si ça, si on peut. Bon, moi j'aime pas trop dire ça parce qu'en fait, je trouve que il y a quand même là. Bon, on a vécu le week-end dernier. Un week-end un peu électrique. Un peu électrique, où tout a brûlé, sauf les CAF, mais ça c'est la famille, c'est normal, quoi. Donc on ne brûle pas les CAF. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une une information importante aujourd'hui, c'est que la préfecture du Val d'Oise interdit la marche pour Adama dimanche. Donc, à un moment donné, une marche qui, depuis 8 ans, ne s'est jamais mal passée. Jamais. Il n'y a jamais eu le moindre incident. C'est certes radical, il y a des choses qui sont dites, mais il n'y a jamais eu de... Donc, en fait, on peut se poser question à un moment donné. Moi, je veux bien aller dire aux jeunes, mais non. Ouais, et puis on peut se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire à des jeunes, si on les croise, mais non, c'est pas bien, il faut pas cramer et tout, il faut manifester. Ah merde, c'est interdit. Bon, c'est quand même... Donc du coup, bon, voilà, j'arrive là, un peu là, cette dernière de l'émission. Mais voilà, bon, donc du coup, moi, je désespère pas, parce que je pense en fait que par rapport à tout ça, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les villes. Moi, je trouve qu'on a une chance à Toulouse d'être dans une ville où on a toujours eu... alors bon, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a toujours eu des dynamiques qui permettaient du lien entre les militants des quartiers, les assos de quartiers, les acteurs culturels qui parfois étaient les deux en même temps, les réseaux militants. Mais bon, alors on s'en... Des fois, on s'engueule, on n'est pas d'accord, c'est pas ça. Mais voilà, les quartiers sont dans la ville et on peut tous constater en fait que ce soit nos quartiers, les quartiers populaires ou d'autres quartiers peut-être intermédiaires, les faubourgs, ce lien-là, il se fait. Ce ne sont pas des déserts politiques, ce ne sont pas des déserts culturels. On disait tout à l'heure, tu disais l'été. Il y a une programmation tout l'été aux Isards, tout le mois de juillet. Voilà, alors après, c'est des fêtes de quartier. Origine contrôlée, deux mots pour finir. Cette édition, elle est centrée sur quelle problématique ? Quartier, patrimoine des immigrations, tout ça. Donc avec une programmation du 25 octobre au 28 octobre à la salle Ernest Renan aux Isards, où là, il y a du hip-hop. On a beaucoup parlé des marches. Et ensuite, du 1er novembre au 4 novembre, on est Utopia Bordeaux Rouge et Métronome. En tout cas, Salah, merci d'être passé une dernière fois dans cette émission. Ça a été un franc plaisir de vous accueillir régulièrement. C'est vrai que cette année, je suis pas trop venu, mais... Oui, et puis vous avez des obligations politiques qui font que quelquefois, voilà, on vous a demandé de ne pas venir parce que... Vous n'avez pas voulu que je sois maire de Toulouse, voilà, moi, je rien. J'ai parti. Et c'est bien. Si j'étais maire de Toulouse... si j'étais maire de Toulouse... Arrêtez. Allez, on va finir par les... C'est moi qui le serai. On va finir par les concerts du soir et après on laissera le mot à la mascotte de l'émission. Il n'y a qu'une bonne nouvelle avec l'arrêt de ton émission. C'est que putain, le jazz, là, l'espèce de musique que t'écoutes, est terminé. Allez, bravo. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. La réforme, oui, la chienlit, non. Parce que c'est notre projet. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Personne n'a craqué. Et là, et là. Je vous demande de vous arrêter. On commence les concerts de ce soir et on commence par un report. Les concerts programmés ce soir au Petit Bois à Bagatelle par le collectif Freddy Moraison et le centre social Bagatelle donc sont annulés. Les derniers événements du week-end dernier qui ont un peu accéléré cette déprogrammation. Par contre, un temps de rencontres et d'échanges autour des derniers jours passés mais aussi des lendemains a monté et maintenu, mais sans doute à l'intérieur, vu l'orage qui vient de tomber sur Toulouse. Et bien sinon, ce soir, ça sent un peu les vacances, avec à la CAFPO, Gaspard Chauvelot, qui rendra compte du dernier conseil municipal de juin, à partir de 19h30, ça part dans 5 minutes. Super boulot. Voilà, ces comptes rendus de conseil sont plutôt corrosifs, parfois décalés, toujours pertinents. Bon, il fait ça une fois tous les deux mois Et aller voir ça au moins une fois dans l'année, c'est un vrai délice. Les All Night Long, la saison des concerts en plein air de la halle aux machines, commence ce soir, s'ils arrivent à passer entre les gouttes, avec du blues et du rhythm and blues, sur scène le Painted Blues. À partir de ce soir, à l'Allo Machine, concert tous les vendredis et tous les samedis. L'Allo Machine, c'est le parking qui fait lieu culturel, c'est voilà, ça l'Allo Machine. C'est le universitaire territorial. Voilà. C'est pour savoir si je sais pas où me garer, j'irai me garer là-bas. C'est le parking où il y a les monstres. Concert gratuit tous les vendredis et tous les samedis, donc à l'Allo Machine. À la maison Malapert, donc Guinguette éphémère, route de la Beige, Désir, une création sonore et poétique concoctée par le collectif Troisième Face. Ce qui serait formidable, c'est que vous arrêtiez un tout petit peu le temps que je puisse au moins m'écouter. Clôture de saison, tranquille comme ça. Genre, non mais attends, terminé. Salut les filles, bonjour, c'est Caramel Mou et Jou Kango. Et c'est tant pis non, tant mieux. Allez, clôture de saison à la maison Salvan. Non, parce que attends, tu vas te fâcher avec tout le monde. Alors, bon, je le dis, là, nos machines, c'est nul. Mais ce soir, il y a quand même du blues. C'est, dis ce que tu penses. Voilà, peu, très bien. C'est vrai que je... La cave poésie, c'est pas terrible. Voilà, c'est vrai que c'est des choses que je fais peu, finalement, de dire ce que je pense. Clôture de saison ce soir, donc, à la maison Salvan. Lâche-toi. Ah ouais. Avec un double plateau, un ciné-concert proposé par la pianiste Christine Hoth sur les films et les images de Nanook l'Eskimo. Christine Hoth. Oui, Christine Hoth, O2T. Elle va jouer de la musique sur une pas le jeu de sur professeur un film Thibault. Qui s'appelle Nanook l'Eskimo, donc de Robert Flaherty, et avant le ciné-concert, donc concert du duo Mock, dont on a écouté un morceau tout à l'heure. Début ce soir des projections cinéma en plein air de la Cinémathèque. Fred Thibault nous a dit tout à l'heure ce qu'il en était, c'est-à-dire que la session en plein air est annulée, la séance aura lieu à l'intérieur. Jean-François Ziegel sera au piano sur des films de Laurel et Hardy, noir et blanc. Moi quand même, juste, je voudrais compléter quand même ce qu'il a dit, parce qu'il a cité des films, alors qu'il y a des vrais films. Il y a Rocky. Ah ben oui, Rocky Hall, le meilleur. D'accord, il y a Saturday Night Fever. Ah ben oui, évidemment. Voilà. Mais ça, parce que les trucs des vidéos, je sais pas quoi. Films de classe. Voilà. J'étais sûr que vous aviez été très... Ouais, moi j'ai regardé, j'ai le programme sous les yeux. Ah ben oui, et que vous étiez très Saturday Night Fever. Il y a la famille Adams. Ah ben oui, oui. Et ce soir, aux connexions live du rap avec... trois artistes, Rosie, Vince, un artiste de hip-hop toulousain, et Dilis Less. Pas de concert au Bijou, pas de concert au Taquin, pas de concert à la Candela, pas de concert à l'Impro. C'est quasiment les vacances. par contre, pendant tout le week-end, donc fête de l'image, suite FN du Festival de Toulouse jusqu'au 13/07. Cette année, ils ont enlevé le sous-titre Concert sous les étoiles. Sans doute qu'ils avaient prévu que le ciel serait bouché et que les étoiles on ne les verrait pas. C'est peut-être passé un plafond au Casino Barrière. Ça doit être ça. Non, c'est qu'ils ont une vision, en fait. Très bien. Comme vous dites. Et puis, il y a quand même le plateau. Non, parce qu'il y a quand même. Moi, je voudrais... Non, parce que c'est sympa tes annonces culturelles, mais il y a le plateau Énergie, place du Capitole. Alors, Kenji Girac a une exception de voix, donc. Il est question que je le remplace. Formidable. Voilà. On y va juste. J'ai pas été maire, mais je serai Kenji. Et puis, ne pas oublier non plus que la programmation d'été du Grand Rond va bientôt commencer. Ça se passera le 14 en juillet. En plein air aussi. Au 29 juillet, en plein air, dans la cour de l'école Calvignac, qui est à deux pas du théâtre théâtre du Grand Rond. Donc, avec dans plein un de quartier spectacles. Très populaire. Oui, mais quand même, on y va de temps un en temps. Un théâtre qui a sauvé le couac. On va quand même. Et qui est passé en scope, je vous le rappelle. On ira quand même. Mais on peut au prendre Grand des parts alors. Mais, oui. Vous pouvez prendre des parts. Un homme, une voix. Mais, si on a plein de parts, ça veut dire qu'on peut prendre le théâtre aussi. Joël il y a peut-être une solution pour Mixar Miris. Il fait de l'antrisme partout, ça, là, à Mokrane. J'ai failli être trotskiste. C'est une vocation ratée. Et ne pas oublier non plus les étapes toulousaines de Convivencia. Mais j'avais trop d'admiration pour Staline. Ça doit être ça. Je vous vois très bien, ouais. Convivencia, est-ce que je peux en dire deux mots ou pas? Oui, du tout. Non, pas de problème. Ouais. Une péniche qui passe sur le bord du canal. Ouais, c'est super. Donc, les étapes toulousaines ont lieu en ce moment, avec ce soir, à partir de 20h à l'écluse de Castanet, le chant chamanique de Olena Huitaï, une native de Sibérie, suivie de la prestation de la musicienne mexicaine Laura Rebollos. Et puis, lundi 10 juillet, à l'écluse. Il a mis là un accent. Il a un accent sibérien, je trouve. Parce que mon mexicain. C'est vrai que le sibérien, c'est peut-être son meilleur. Et donc, je voudrais quand même dire deux mots sur l'étape de Convivencia de lundi, parce que personnellement, c'est un artiste que je veux voir depuis très très longtemps. C'est la première fois qu'il va passer à Toulouse. Donc, Lucas Santana. Mais moi aussi, je voulais le voir depuis longtemps. Eh bien voilà. On ira peut-être ensemble. Lucas Santana, donc musicien brésilien de 52 ans qui mixe bossa nova, pop et électro, un peu dans la grande tradition de ceux qui avaient été initiés dans les années 70 avec le mouvement tropicaliste. Lucas Santana qui revient à des musiques un peu joyeuses après avoir produit pendant 2-3 ans, c'était l'époque de Bolsonaro, des musiques très tristes où il disait tout le mal qu'il pouvait penser de ce qu'était en train de devenir le Brésil. Ça a l'air d'aller un peu mieux depuis que Bolsonaro. Oui, c'est vrai. C'était exotique. Il fallait pas être indien, pas voilà. Avoir le Covid, et tout ça, mais sinon. Mais c'était bien. Pas être noir. Non, mais après, attends, je suis pas indien, j'ai pas le Covid et je suis pas noir. Donc, pour une fois que ça pouvait marcher, tous au Brésil. Fora Bolsonaro. Donc, en attendant, Lucas Santana, c'est lundi à l'écluse du Sanglier à Aigues-Vives à partir de 21h30, c'est loin, mais en vélo sur le bord du canal, on y va vite. Et Lucas Santana, on écoute tout de suite Furaçao. On peut y aller même si on mange pas de pain. Petit jeune, Lucas Santana. Et on se revoit juste après pour se dire au revoir. Peut-être on va finalement la finir cette émission. Ah ben, allons-y. Moi, je suis ravi d'une chose. C'est qu'ils aient fermé Mixar Miris. Parce que depuis... Ça tombe bien, Joël est là. Depuis... Ben ouais, mais justement. Avant, il n'était jamais là. Maintenant, on le voit tout le temps. Maintenant qu'il est au chômage, eh ben moi, j'arrête pas de le croiser. Ah on boit dans des apéros, dans les bars. Tranquille, on peut discuter. Ouais, tout ouais, ça. Voilà. Avant, sinon, il y avait les trucs là. C'est comment ça s'appelait ? À cœur, je sais pas quoi. Les festivals de hackers, les trucs. Là. Juste pour se quitter, on va laisser 2-3 minutes à Anthony Beignèche. Alors, je vous explique un peu le truc. Anthony Beignèche, c'est quelqu'un qui vient nous voir régulièrement depuis 15 ans, passionné de radio, et qui a souhaité dire deux mots sur cette fin de Caramel Mou. Anthony, c'est à toi, et on te coupe quand on veut. Cher Joe Kangourou, ça a été un grand plaisir pour moi d'être venu en tant que mascotte de Caramel Mou, de t'avoir tenu compagnie pendant plus de 10 ans dans la bonne odeur du studio de Campus FM, de la Campusienne, Kishnette. À l'époque, c'était la rue des Lois, mais maintenant, c'est la faculté de pharmacie. Merci beaucoup de m'avoir accepté en tant que mascotte de l'émission. Je suis quand même un peu triste que Caramel Mou s'arrête, mais après 34 ans d'émission depuis 89 où tu as raconté des débuts dans la Dépêche du Midi, je te l'ai toujours dit quand je suis venu te voir le vendredi soir à Caramel Mou, ne t'arrête pas, continue Caramel Mou, c'est très important pour la culture toulousaine et aussi que tu m'as appris dans le journal, que tu m'as appris à lire Libération, que ce n'est qu'un au revoir avec des larmes de tristesse, tellement que j'ai beaucoup aimé. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux et bonne retraite. Oh yeah! Quel bel hommage! On t'aimera toujours, Joe Kangourou et Jean Caramel aussi. En parlant de Libération, t'as pas parlé de Médiacité au début de. Et si, mais apparemment, il s'est perdu dans le métro. Il devait venir. Peut-être qu'à cause de l'orage, le métro a été coupé. Allez savoir. Merci, Anthony, en tout cas, pour ce petit super message. Caramel Mou, c'est terminé. Ce 104e numéro marque la fin de cette. 104e. Qu'est-ce que j'ai dit ? 104e. Ah ouais, la fête de la musique. La fête de la musique. 104e numéro. Bah après, tu ne nous la fais pas la Aznavour, ça, genre. Justement. C'est la dernière. Je reviens l'année prochaine. Marque la fin donc de cette aventure radiophonique. Faire un spécial procès de Meurice. Ah oui, surtout s'il y a Guillaume Meurice. Une fin que nous vous invitons à venir fêter demain soir à la CAF Poésie, donc à partir de 21h, sur scène quelques-uns des nombreux musiciens toulousains entendus dans cette émission. On y retrouvera Bruno Huzarn, Eric Larenne, Samara Balouf, Chouf, Mélanie Lesage, Mimi Tchel, Kiko Ruiz, El Comunero, Brian Lapin et Jurassic Grass, qui aura été un peu la découverte pour moi cette année. Je me suis rendu compte qu'il y avait une scène bluegrass qui était en train de se remonter à Toulouse, plutôt intéressante. Venez juger sur pièce donc demain soir à la CAF Poésie à partir de 21h, entrée libre. Et nous, on se dit bon été, salut les filles, et à demain soir à la CAF Poésie. C'est terminé, bye. Merci Jean-Pierre. On t'aime. Ça y est, Caramel Mou, c'est terminé. 1004 épisodes de Caramel Mou. On sait que c'est pas terminé. Hein. Caramel. Tu es délivré maintenant, t'es à la retraite. Ça y est. La vraie retraite. Je vais mettre dans le caramel.